같이 C'est pas ça. Depuis que j'ai changé de carte son. La réverb est là. C'est pas Jamtaba, c'est qu'en fait j'ai acheté une iOS 4 à la place de l'iO 2. La iOS 4, tu peux brancher 4 instruments, mais il faut passer en 16 bits. Sinon, elle reste en 24. Et moi je voulais brancher le micro, le synthé en stéréo, et puis après tu peux brancher une guitare plus tard. J'arrive pas à jouer la guitare, je m'en rappelle. Voilà, où est le problème ? Je pense que ça vient de mon ordinateur. Je pense. Alors après, il y a ça aussi qu'on peut faire. Je sais que j'avais eu un souci. Je vais essayer de déconnecter la prise. Et là, et là, et là, et là, et là, ça craque encore. Et à moins que c'est. J'ai qu'une bite et ma femme, ça lui suffit. Ouais, 24 bits, 16 bits, 44. Je suis en 16.